Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer cette intervention en partageant une courte citation de Bernard Paillard qui est tirée de l'introduction de son livre « L'épidémie, carnet d'un sociologue » qui rend compte d'une enquête sur le VIH-Sida à Marseille menée avec Anne Guérin entre 1988 et 1992. Le sociologue écrit « Devant un capharnaüm de cartons empilés, sa difficulté à quitter la ville, son terrain, après une longue immersion. Il ressent, à l'heure de conclure, un grand malaise. Mon objet se dérobait. Comme souvent, je n'étais en mesure de relater que des données incomplètes, incertaines, voire parfois contradictoires. J'étais aspiré par le trou noir du doute. » Donc, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette citation ? Apparemment, de ce terrain, quelque chose résiste à l'analyse et à la description sociologique, qui ne peut se faire que sous la forme d'un patchwork, qui est le titre choisi fort à propos de l'introduction du livre. Il y a aussi ce mot de capharnaüm, qui est un amas confus d'objets en vrac, un fouillis, un lieu où s'entasse un bric-à-brac d'objets divers selon le CNRTL. Capharnaüm de carton. Qu'est-ce que renferment ces cartons ? On peut répondre, sans trop se mouiller, des archives. Produites ou reçues par Bernard Paillard et Anne Guérin dans le cadre de leur enquête. Donc ça peut être des carnets de terrain, par exemple, comme des prospectus qui viennent d'associations ou d'organismes institutionnels. Des affiches, par exemple, liées à des événements. Imaginons des photos, pourquoi pas, quelques petits objets. Le sociologue parle aussi de données qu'il qualifie d'incomplètes, incertaines, parfois contradictoires. Des fragments, donc, des traces fragiles qu'il est difficile d'interpréter seul, peut-être surtout quand elles sont prises dans des conflits. Bon, c'est pas très spécifique hein, à cette enquête, c'est généralement comme ça que ça fonctionne quand on fait des sciences sociales. Si je vous montre cette citation, c'est cependant qu'elle résonne à plusieurs niveaux avec mon propre parcours d'enquête, dont je vais maintenant vous présenter quelques-unes des articulations qui permettront de me situer. Donc entre 2017 et 2020, je suis salarié au MUSEM dans le cadre d'un contrat CIFRE, donc une convention industrielle de formation par la recherche en entreprise, qui est un financement de thèse, et je mène une recherche doctorale sur la patrimonialisation de la lutte contre le VIH-Sida et des minorités LGBTQI. J'analyse en particulier l'historique de la constitution au début des années 2000 d'une grande collection d'objets et de documents issus d'associations de lutte contre le sida, aujourd'hui conservés au MUSEM. Donc cette collecte ou enquête-collecte ethnographique, elle a été menée par deux anthropologues, Françoise Lux et Stéphane Abriol, au sein du Musée parisien des arts et traditions populaires, qu'on voit à gauche. Et cette enquête, donc de 2002 à 2005, elle avait été adossée en amont à une série d'enquêtes portant en particulier sur les questions de deuil, de mémoire et de nouveaux rituels en lien avec l'épidémie. Une partie de ce terrain avait été menée à Marseille, et parmi les objets et archives conservés, donc environ 12 000, donc c'est très important. Certains venaient d'associations, à la fois issues des communautés LGBTQI et engagées dans la lutte contre l'épidémie, comme par exemple ACT UP, ou, et on va revoir quelques images si vous ne les connaissez pas, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Donc, enquêter sur cette enquête passée m'amenait à me poser une série de questions renvoyant à la fois à l'histoire de ma discipline, l'anthropologie, et à celle des musées qui lui sont associés, ici en l'occurrence le Musée des Arts et Traditions Populaires, qui a fermé ses portes à Paris en 2005, et dont les collections ont été transférées au MUSEM, donc le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, qui a ouvert ses portes à Marseille en 2013. Je m'interrogeais donc sur la manière dont cette collecte ethnographique avait été pratiquée et sur les conséquences dans le temps de ce geste de prélèvement. Mes questions étaient et sont restées plus ou moins les suivantes. Donc, comment cette démarche anthropologique avait-elle permis de constituer une mémoire de l'épidémie ? Comment me positionner en tant qu'anthropologue par rapport à elle et penser mon propre rapport à cette mémoire ? comment l'institution muséale traite-t-elle matériellement ce patrimoine ? Quels rapports peuvent ou non être construits dans le temps avec les militants et militantes des milieux au sein desquels ces objets ont été prélevés ? Donc entre 2017 et 2019, 6 journées d'études ont été organisées au MUCEM pour défricher une série d'enjeux sur les questions d'échelle, on a un petit peu parlé tout à l'heure en introduction, de temporalité et de représentation liées à la mise en exposition de l'épidémie. Donc une épidémie qui est à la fois globale, ayant touché particulièrement des minorités, homosexuels, travailleuses du sexe, personnes usagères de drogues injectables, personnes migrantes notamment, dans un musée de l'Europe et de la Méditerranée, situé à Marseille, où l'épidémie a des spécificités, le tout principalement donc à partir d'objets et de documents collectés au début des années 2000 dans un musée parisien. Donc voilà, un certain nombre de problèmes à réfléchir. Dès le départ, on a décidé de former et de réfléchir, de former un comité de suivi et de réfléchir avec ce comité de suivi, donc composé de personnes concernées par l'épidémie à différents titres, personnes vivant avec le VIH, militants et militantes associatifs, soignants, soignantes, chercheurs, chercheuses, etc. Je dois ajouter qu'à la même période, en parallèle de mon travail au MUCEM, je m'implique fortement au sein d'une association à Marseille qui s'appelle Mémoire des sexualités. En fait, c'est un projet qui remonte aux années 80 et qui est lié à la figure d'un militant homosexuel, Christian Deleuze, qu'on voit sur la photo, qui a passé plusieurs dizaines d'années à collecter de la documentation sur les mouvements LGBTQI, en particulier à Marseille. Comme on peut le voir sur le titre de l'article de La Provence, qui date d'octobre 2017, 40 ans de lutte dans 50 mètres carrés. L'enjeu qui se joue à l'époque, donc, où je participe à ce collectif, est un enjeu de transmission intracommunautaire, puisqu'il s'agit pour un groupe de personnes qui s'est formé autour de Christian, qu'il nous confie collectivement les traces qu'il a accumulées et reçues d'autres militants et militantes. Donc l'objectif étant pour nous de créer et de consolider ce projet de centre d'archives et bibliothèque communautaire et autonome. Ah, ça c'est le comité de suivi qui est réuni pour le déploiement d'un patchwork des noms, je pourrais en reparler éventuellement tout à l'heure, une vue de l'expo et du catalogue, mémoire des sexualités, avec Christian aussi qui, dans sa cuisine, trie les archives. Et ça, c'est assez intéressant puisque c'est un certain nombre d'archives qui se trouvaient déjà à Mémoire des sexualités avant le projet dont je vais maintenant vous parler. Et donc on voit notamment une petite carte ACT UP Marseille, une carte de visite ACT UP Marseille. On voit un prospectus édité par Aide Provence, donc Jeux de l'amour et du latex. Une affiche d'une cérémonie contre l'oubli, déploiement du patchwork des noms à la Vieille Charité. Le bateau ivre, donc, qui était un lieu qui éditait un petit mensuel. Et là, vous avez encore un... Bon, on ne voit rien, mais on a un petit marque-page qui lié à l'atelier de Marseille du patchwork des noms. Donc, entre 2022 et 2024, dans le prolongement des recherches menées dans le cadre de ma thèse, je me suis largement impliqué à l'occasion de mon premier contrat postdoctoral, donc au CESTIM, dans la réalisation d'une enquête ethnographique sur la mémoire de l'épidémie dans la région de Marseille. Ce travail s'inscrivait dans le cadre d'un contrat d'initiation financé par l'ANRS et porté par Gabriel Girard, donc sociologue de la santé, et Alexandre Klein, un historien de la santé. Ce projet s'intitulait « Les homosexuels face au VIH-SIDA à Marseille et à Montréal, socio-histoire d'une mobilisation en périphérie ». On retrouve ici aussi la question de la périphérie. Donc un projet exploratoire qui cherchait à documenter et à étudier les mobilisations des homosexuels masculins face au VIH-SIDA à Marseille et à Montréal, notamment en cartographiant les sources disponibles et en rencontrant les acteurs de ces mobilisations. Le volet marseillais de l'enquête, donc, qui s'inscrivait dans le sillage des travaux de Bernard Paillard, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, m'a conduit à retrouver les traces faites de matérialité composite de plusieurs associations emblématiques de lutte contre le sida des années 1980-1990, donc Aide Provence, ACT UP Marseille, le couvent des Chênais des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, Santé et Plaisir Gay Provence et l'atelier de Marseille du patchwork des noms. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu ces associations. Donc globalement, c'est des associations qui sont, sauf aide, mais en tout cas pour ACT UP, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence et le Patchwork des Noms, c'est des projets qui sont nés aux États-Unis dans la deuxième moitié des années 80, ou plutôt dans le cadre des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, puisque c'est la fin des années 70, et qui ont été repris en Europe, notamment en fait, avec des déclinaisons nationales créées à Paris, et en fait il y a des déclinaisons régionales qui sont ensuite présentes sur le territoire. Donc à ACT UP Paris correspond entre guillemets ACT UP Marseille, sauf que évidemment c'est pas la même histoire. Ces initiatives régionales, elles possèdent des caractéristiques, une histoire et une mémoire qui sont spécifiques. Et bon, sans surprise, c'est largement moins étudié et connu que leurs avatars parisiens ou américains. Par exemple, 120 battements par minute, c'est un peu typique. En fait, c'est vraiment l'histoire parisienne d'ACT UP Paris, quoi, en fait, et de cette mobilisation des homosexuels à Paris. Concernant Marseille, voilà. Donc c'est un peu là-dessus que la question de la périphérie a été pensée, en tout cas dans ce cadre du projet dont je parlais tout à l'heure. Donc la politique de l'enquête a consisté en un travail de maillage et de cartographie qui s'est joué à deux niveaux interdépendants. Donc une opération assez lente et difficile de maillage partiel des acteurs qui a permis de retrouver une dizaine de personnes autrefois impliquées au niveau des associations que j'ai précédemment évoquées. Cette rencontre a été organisée entre 2022 et 2024, entre Marseille, Nîmes et Paris, en suivant une variété de formats, séminaires de témoins, entretiens croisés, entretiens individuels, ateliers collectifs. L'originalité de ces formats, l'inclusion dans la grille d'entretien d'une question portant sur ce que ces militants et militantes avaient ou non matériellement gardé, et l'organisation de moments de travail sur des archives et des objets du passé ont joué le rôle de déclencheur de remémoration. Donc des enregistrements sonores de ces rencontres ont été réalisés et transcrits. Ils correspondent à une partie des données que l'enquête a permis de produire. Certaines personnes n'ont pas souhaité apporter leur témoignage, et ce, pour différentes raisons, expériences trop douloureuses, conflits interpersonnels, déménagements, etc. Donc pour donner un petit exemple, en juin 2022, on a organisé un séminaire de témoins dans le jardin de l'association Mémoire des Sexualités, avec trois personnes plus ou moins directement impliquées dans cette histoire de la lutte contre le VIH-SIDA à Marseille, en particulier autour de l'association Aide-Provence. Et on l'avait demandé de lire en amont un chapitre du livre de Bernard Payard dont j'ai déjà parlé, un chapitre qui s'appelle « Hommes entre eux ». Et donc la lecture de ce chapitre leur a permis en fait de revenir ensemble près de 30 ans en arrière, d'alimenter ce processus de remémoration ici collective, de positionner et de relier entre elles des expériences personnelles ou associatives qui ne l'avaient pas été forcément jusqu'alors. Au niveau de l'enquête, la forme originale de ce point de départ a ouvert une multitude de pistes à suivre, s'agissant à la fois de personnes à rencontrer et à enregistrer, et de types de matérialité à rechercher en rapport avec ce terrain mémoriel. Donc parallèlement et en lien avec cette première opération de maillage des acteurs, l'enquête a porté sur les traces restantes ou disparues de ces engagements individuels et collectifs. Ces traces se trouvent disséminées dans plusieurs lieux, notamment le MUSEM, l'association Mémoire des Sexualités, mais aussi le domicile des anciens et anciennes militants. Dans le mouvement de l'enquête, donc beaucoup d'archives dont peu soupçonnaient l'existence ont refait surface avec de la part de leurs possesseurs un désir de transmission et de partage. Mon travail a alors consisté à réaliser une cartographie de ces lieux et à documenter le contexte du transfert ou du non-transfert de tel ou tel ensemble de documents et objets, tout en amenant des questionnements liés aux effets de ces déplacements et fixations. Je vais maintenant vous donner quelques exemples de ces matérialités et donc vous montrer des images de tout ce que j'ai pu retrouver et rencontrer en termes de traces dans le cadre de ce terrain d'enquête sur l'histoire et la mémoire du VIH-SIDA à Marseille. Donc, un costume de sœur de la Perpétuelle Indulgence donné par sœur Orgia Maxima au MUSEM en 2013, un album de photographies des déploiements organisés à Marseille par le Patchwork des Noms entre 1994 et 1999, que m'a confié provisoirement l'une de nos enquêtées, le menu d'une grande fête Gambilem Show qui a eu lieu au Salon de la Réal le 6 mai 1995 et rassemblant autour du fondateur de Aide Provence plusieurs centaines de convives engagés dans la lutte contre l'épidémie, les conducteurs scannés de ce spectacle, les invitations et modes d'emploi des jerk-off parties qui se tenaient à la fin des années 1980 en haut de la Canebière pour pratiquer une sexualité à moindre risque, la charte et le livret d'accueil d'Act Up Marseille, les affiches du mardi gay au bateau ivre ou les cérémonies du souvenir organisées sur la place du Palais de Justice, une large banderole blanche sur laquelle est écrit « Perpétuer la mémoire de nos proches morts du sida ». De nombreux courriers dans des cartons, des comptes rendus d'action, des chants liturgiques, des collages, des souvenirs, etc. Donc enquêter sur la mémoire du VIH-sida à Marseille m'a conduit à identifier ce que j'appelle des nœuds d'archives. Il s'agit de situations rencontrées de manière quasiment systématique sur le terrain et qui renvoient à la manière dont les traces, matérielles ou immatérielles, les données, sont organisées. Les traces en question sont disséminées au sein de différents modèles de conservation. J'ai parlé au moins d'un musée, d'un centre d'archives public et d'une association qui est un centre d'archives privé. Donc des modèles de conservation qui coexistent et ces données sont soumises à des régimes de protection et à des statuts qui sont différenciés. Donc ça peut être des objets inscrits à l'inventaire national du patrimoine, des archives publiques, des archives privées, etc. Donc les nœuds d'archives correspondent à des formes de blocage, à des décalages, de curieux agencements, des conflits de représentation, d'interprétation, de temporalité ou de personnes, à d'inexplicables silences, à des disparitions, à des pertes. Ces situations se nichent et se développent dans la tension entre d'une part désir de transmission de formes d'expérience d'engagement et d'une mémoire militante face à une épidémie qui n'est pas terminée et d'autre part patrimonialisation. Je vais vous donner juste un petit exemple de ces blocages. Quand un militant donne un fonds d'archives aux archives départementales des Bouches-du-Rhône en 2013, un fonds d'archives lié à ses engagements dans la lutte contre le VIH-Sida et pour la reconnaissance des droits des homosexuels. Donc à l'époque, en 2013, la directrice de l'institution lui indique qu'elle est très heureuse de recevoir ce fonds qui vient apporter un éclairage précieux sur tout un pan du mouvement social que l'institution ne conservait pas dans ses archives. Pourtant, quand je contacte une première fois en 2019 les archives départementales des Bouches-du-Rhône, on se rend compte avec le militant, avec ce militant avec qui je suis en contact, que le fonds n'a pas été classé et donc qu'il n'est pas accessible au public. Puis, on se rend compte, après avoir envoyé plusieurs courriers, et de la part du donateur et de ma part, pour que le fonds soit classé, on se rend compte qu'après que le fonds ait été classé, on est informé que, en fait, le fonds n'est pas communicable avant 50 ans, décision qui a été prise à l'insu du donateur, parce qu'il contient ou contiendrait des données à caractère personnel. Et c'est seulement après tout un travail de mobilisation et de pression que nous parvenons, que nous sommes parvenus l'année dernière à faire en sorte que le fonds puisse être intégralement accessible. Même chose du côté du MUCEM, qui conserve un ensemble de 89 cartons d'archives qui ont été remis au début des années 2000 par un des militants qui a participé à l'enquête pour le compte de l'association Aide Provence, où il était salarié au moment d'un déménagement survenu au début des années 2000 et face à la menace d'abandon de ces archives par l'association. Donc en fait, le fonds n'a été classé que quelques semaines avant la fin de mon contrat au CESTIM, donc en 2024. Et donc j'ai pu consulter que quelques cartons qui semblent en fait très intéressants pour comprendre cette période de la lutte contre le VIH-Sida à Marseille, entre la création de Aide Provence en 1985 jusqu'à la fin des années 90. Donc il a fallu attendre plus de 24 ans en fait pour que le fonds soit classé par l'institution, ce qui est beaucoup. Je vais maintenant conclure en essayant de rassembler un certain nombre de pistes et de questions qui se posent lorsqu'on travaille sur la mémoire du VIH-Sida. La première question, c'est d'abord comment est-ce qu'on envisage ce qu'on peut appeler ce corpus. Donc, comme je l'ai dit, il est à la fois d'une très grande richesse mémorielle et documentaire. Donc c'est de longues heures d'entretien enregistrées auxquelles s'ajoutent de nombreuses images, des objets, des documents sur l'histoire de la lutte contre le VIH à Marseille. Ces documents, ces archives, ces objets et ces enregistrements sont dispersés entre différents lieux, mais c'est pas forcément un problème puisque justement les récits collectés auprès de ces militants permettent de relier en fait ces éléments. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est que ces données, plus exactement pour moi, donc c'est des données anthropologiques, c'est-à-dire des données qui servent à mon enquête. Et donc ça peut être des données soit que je produis quand j'enregistre un entretien avec un ou une militante, mais ça peut aussi être des objets ou des documents que j'utilise et qui sont conservés, donc, comme je l'ai dit, dans différents lieux d'archives ou de mémoire, comme le MUCEM par exemple. Retracer les trajectoires d'engagement et les luttes associatives contre le VIH-SIDA à Marseille m'a, voilà, par exemple, conduit, je l'ai dit, à recourir à l'entretien pour donner corps en fait à cette enquête. Donc quand j'enregistre cet entretien, je me retrouve dépositaire finalement de ces voix enregistrées qui complètent la panoplie des autres matériaux, notamment les archives, donc les matériaux écrits. Donc le recours à l'enregistrement sonore, il pose en fait un certain nombre de questions, donc il fait de moi, en tant qu'enquêteur, un fabricant de données pour la recherche, enfin pour ma recherche, mais aussi éventuellement pour la recherche future, si je décide de déposer ces entretiens dans un lieu où ces données peuvent être, où ces entretiens peuvent être écoutés. Donc ça peut être une phonothèque dans une MSH, ça peut être Mémoire des sexualités, ça peut être un site internet en ligne. Donc c'est à la fois des données pour la recherche, mais c'est aussi des archives, en l'occurrence des archives orales, et une mémoire pour la communauté en question. Donc c'est une mémoire communautaire et militante, voilà, dans un contexte où, je l'ai dit, où on perçoit des besoins et des désirs de transmission. Donc en fait, là, on a, quand on s'intéresse aux données, donc un espèce de feuilletage. Donc données, c'est pour la recherche, c'est pour les besoins de l'archive, donc pour le patrimoine, on peut dire, quelque part, et aussi pour la société, ou en l'occurrence pour la communauté en question. Donc il y a des usages qui sont des usages scientifiques, des usages patrimoniaux, des usages culturels, des usages sociaux, des usages politiques qui peuvent entrer en tension. Donc qui sont les propriétaires légitimes de ces données? Qui décide de leur sort? Est-ce qu'on les garde? Qui y a accès? Est-ce qu'on les détruit? Voilà. En s'appuyant sur quels critères? Donc concernant les entretiens enregistrés, est-ce qu'il faut les anonymiser, par exemple, qui est une question qu'on se pose en sciences sociales, totalement ou en partie? Comment est-ce que dans un entretien, on fait quand une personne qui témoigne va parler d'une autre personne? Donc la personne qui témoigne, elle peut donner son consentement libre et éclairé sur... En fait, je veux raconter mon histoire, mais on ne peut pas savoir ce qui se passe de la personne qui est citée. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on raconte son histoire à sa place? Comment est-ce qu'on... est-ce qu'il est possible d'associer, un peu à contrario, et dans cette logique, un peu dans cette démarche communautaire, et selon quelle modalité, justement, ces enquêtés, donc ces personnes concernées, à l'éditorialisation des sources? Par exemple, quand on va faire un montage, quand on va faire un documentaire, quand on va faire un podcast, est-ce que c'est le chercheur qui va réaliser une œuvre, éventuellement accompagnée de travailleurs culturels, ou est-ce que c'est un travail plus collectif qui est une coproduction en fait entre la personne qui va témoigner et la personne qui enregistre, sachant que c'est pas forcément exactement les mêmes règles pour la recherche et pour la radio. Quelles licences, par exemple, sont les mieux adaptées pour faire en sorte que ces corpus puissent être réutilisables et à quelles conditions? Voilà. Donc ça, c'est des grandes questions que je laisse ouvertes. Et pour finir, l'une des questions principales, donc moi, que je me pose là sur ce corpus, et qui est aussi une perspective en fait de recherche qui s'ouvre après l'enquête, concerne la mise en accès justement de cet ensemble de données, c'est-à-dire quels sont les différents scénarios de partage de ces données, sachant que chacun implique de se poser des questions sur les cadres et les contraintes juridiques existantes, et qu'il s'agit, comme je l'ai dit, aussi et peut-être avant tout, en ce qui me concerne, de donner une place aux volontés des premiers et des premières concernées. Donc il y a, en sciences sociales, il y a pas mal de nouvelles, entre guillemets, options de restitution. Donc à côté des formes de valorisation académique, donc communication comme là, publication d'articles ou édition de livres, il y a des démarches qui voilà, participent d'une réflexion sur la diffusion plus large de la recherche avec des formats renouvelés qui vont du livre de témoignage aux émissions de radio, à la pièce de théâtre, au web documentaire, à la bande dessinée, aux cartographies narratives, aux expositions, aux actions sociales et pédagogiques, etc. Donc, qu'est-ce que ces autres formes d'écriture en fait, vont faire à la recherche ? À qui s'adressent ces projets et comment ils sont conçus, reçus, montés aussi, financés ? Quelles compétences sont mobilisées ? Quelle pérennité ont ces projets ? Et donc, rapportés à mon propre corpus d'enquête, donc composé d'entretiens oraux, d'archives, d'images et d'objets, conservés à différents endroits. Donc il y a plusieurs options qui sont possibles en termes de valorisation, et c'est un peu sur ça que je vais travailler dans les prochaines années.